une histoire particulière. Merveilleuse Ginette Kolinka, quelle énergie, quelle joie de vivre à 94 ans. Hier, nous étions avec elle, dans le Paris d'avant-guerre, sa déportation à Auschwitz-Birkenau et son retour à Paris, dans la France libérée. Ginette égrène généreusement ses souvenirs. Toujours coquette et pimpante, elle harmonise chaque jour ses boucles d'oreilles à ses corsages colorés. Après la guerre, l'amour et la naissance de son fils Richard, le futur batteur du groupe Téléphone, semblent lui faire oublier l'enfer de la déportation. Et pourtant, la rencontre avec Raphaël Lewandowski, documentariste franco-polonais, bouleverse sa mémoire. Et le besoin de raconter vient. Tout de suite, Dominique Prussac et Guillaume Baldi vous emmènent en Pologne, au camp d'Auschwitz-Birkenau, sur les traces du long travail de transmission de Ginette Kolinka. Ginette, bienvenue à Cracovie. Oui, ben d'accord, bienvenue à Cracovie, mais quand même, c'est surtout les élèves que vous devez interroger. On vient en principe une fois par mois, quelques fois deux, à partir de novembre jusqu'au mois de mars. Je suis venue cette année au mois de septembre, les gens sont en short, t'as les voitures d'enfants, les gens viennent se balader comme... c'est du tourisme, tu sais. Par contre, comme il faut que ça soit vu, eh bien, tourisme ou pas, voilà, il faut que les gens viennent. J'ai toujours cru que si, quand je viendrais la première fois, que j'allais m'écrouler. Eh bien non, je ne me suis jamais écroulée. Ce que je vois, ce n'est pas le Birkenau qui est dans ma tête. Et il ne sera jamais... Et ce que je vois, ça sera toujours... un décor. Alors, c'est vrai que c'est pas possible de retrouver la saleté, c'est pas possible de retrouver l'odeur, c'est pas possible d'avoir les gens. Mais peut-être qu'en effet, c'est quand même bien d'en parler pour que les gens se rappellent qu'il y a eu quelque chose comme ça et qu'il faut plus que ça recommence. Ginette Kolinka, Auschwitz II, Birkenau, La Transmission. Un documentaire de Dominique Prussac et Guillaume Baldi. Écoutez, s'il vous plaît, Mathias vous a dit que les sacs, et surtout les sacs à dos, sont interdits. Alors, on les laisse, le petit sac, bon, ça c'est trop grand. Alors, on les laisse dans l'autocar. Alors, on y va. Couvrez-vous bien. Tiens. Couvrez-vous bien. Faites quoi, photographier. Ginette. Les deux wagons qui sont là Bonjour. Sont totalement identiques. Comment tu vas ? Eh bien, très bien. Quand je te vois, ça va encore mieux, tu vois. Bonjour. Eh bien, ces wagons, tu vois, ça, c'était un genre de wagon comme moi, j'ai eu. Ce sont des wagons dits à bestiaux, hein, où l'on transporte des animaux, en général. Ben, j'en sais rien. Toi, quand tu vois un comment, qu'est-ce que tu penses quand tu vois un wagon comme ça ? Tu dis pas que c'est un wagon voyageur. Ils étaient ouverts, ces wagons. Et je te dis que quand nous, on a été arrivés sur le quai de la gare et qu'il y avait ces wagons-là ouverts, ben, on n'a jamais pensé que c'était pour nous. Ah, et je vois notre reine. Elle m'entend déjà. Et je suis juste à côté. t'es encore de corvée, alors. Et là, vous êtes dans votre carrosse. On super. A oh là, merci. Alors, attends, je descends. Du coup, je veux plus bouger, moi. Oh, tu sais que je vieillis. Je vais prendre le sac. Oui, d'accord. Okay. Je vais le mettre. Hop, là. Ça, je vais prendre un sac. Et voilà. Et je vous sers de. Hop, là, bah, tiens. Hop, la jambe. Voilà. Voilà. Je vous demanderai de me suivre. Hein. Un grand de personnes, une quarantaine, oui. Essayons de rester ensemble. Je vous dis bonjour, je me présente, je m'appelle Dorota Kuczyńska, je travaille comme guide pour le musée d'Auschwitz. Je suis ici avec mes collègues du mémorial et avec Ginette Kolinka pour vous accompagner pendant cette journée, de mémoire, au moment de votre voyage, pèlerinage plutôt, à Auschwitz. Et nous verrons ensemble deux sites. Nous allons commencer par Auschwitz-Birkenau, le lieu où les nazis ont commis en très grande partie la Shoah, l'assassinat du peuple juif d'Europe. Et ensuite, l'après-midi, on verra l'exposition d'Auschwitz. Et pourquoi commençons-nous par cet endroit un peu étrange, hein? On n'est pas en face de la fameuse porte de la mort. On n'est pas en face d'une autre porte également connue, celle avec l'inscription « Arbeit macht frei ». Vous êtes venu à pied et vous êtes au milieu d'un terrain un peu étrange. Il y a des rails à côté de nous, il y a des maisons. Alors pourquoi commencer cette journée ici? Mais écoutez, ça c'est un endroit très important pour l'histoire d'Auschwitz, aussi pour l'histoire de la Shoah, surtout pour les juifs, déportés juifs, qui ont été déportés ici depuis votre pays, depuis la France. Et nous sommes à la Judenrampe, la vieille rampe, la rampe des juifs, Juden, c'est en français juif. C'est eux les quais qui fonctionnaient à partir de juillet 1942. Était utilisé jusqu'en mai 1944. Vous savez, très souvent, les personnes qui viennent ici sont persuadées que tous les trains, tous les convois s'arrêtent à Birkenau. Pourquoi? C'est l'image qui est souvent montrée à la télé, qui est souvent montrée sur les photos dans nos livres d'histoire. Et finalement, les quais de Birkenau fonctionnent environ 3-4 mois, fonctionnent à partir du 15 mai 1944. Alors la moitié de toutes les victimes juives sont arrivées exactement ici, en espace d'environ 18 mois. Et l'autre moitié est descendue sur la fameuse rampe de Birkenau à partir de mai 44. Et c'est ça qu'il faut souligner. Et la déportation massive... On était complètement abrutis, on ne réalisait pas. Et c'est vrai que quand les wagons ont été ouverts, ça a été vraiment un moment agréable, plus qu'agréable. Il faisait tellement, tellement froid que tout de suite, la mauvaise odeur est partie. Mais par contre, dès tout de suite aussi, tu as des hommes qui sont montés dans le wagon, qui commencent à nous éjecter. Avant de nous éjecter du wagon, ils baragouinaient quelque chose, il y en a qui comprenaient pas. Mais donnez vos enfants à des personnes âgées, il y en a qui l'ont fait, d'autres qui ne l'ont pas fait. C'est affreux. On descend du train et il y a des annonces faites par les officiers. Et on me traduit les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées. On a mis pour vous, à votre service, des camions parce que le trajet va être dur à travers champs et puis que le camp n'est pas à l'endroit où le train s'arrête. Alors profitez-en, c'est à votre disposition. Bah, qu'est-ce que je fais, papa, Gilbert? Monter dans les camions. S'il n'avait pas voulu, naturellement, il ne m'aurait pas écouté. Mais c'est moi qui leur ai proposé. Ensuite, même s'il n'avait pas voulu monter sur les camions, de force, on les aurait obligés. Parce que les personnes âgées et les jeunes, on les obligeait à monter sur les camions, soi-disant pour pas qu'ils se fatiguent. Mais en fin de compte, c'était pour les tuer. Mais ça, on ne le sait pas. Parce que ce qu'on appelle la rampe n'était pas à l'endroit que l'on sait maintenant. Ça ne s'appelle pas la rampe, c'est la Judenrampe. Eh bien, normalement, je devrais m'écrouler. Parce que c'est vraiment le dernier moment, le seul moment où j'ai vu papa et Gilbert et mon neveu encore vivants. C'était le seul moment. Après, ça a été fini. Alors, mon neveu, j'ai appris qu'il était survivant, mais il a quand même été tué. Et quant à mon frère et mon père, en montant sur les camions, je les ai envoyés à la mort. Mais de toute façon, c'est vrai, si moi, je ne l'avais pas fait, les officiers le faisaient. D'office, ils les envoyaient monter. Thank you. On vous amène dans une salle qui est là, et il y a des, dans cette salle, il y a plusieurs, c'est partagé en différentes salles. On est dans une salle et on vous dit « déshabillez-vous ». Alors vous commencez, vous voulez rester en culotte et en soutien-gorge. Non, nudité totale. Ginette, elle est malade. Elle en est malade, elle est malade de honte. Je savais plus, je regardais personne et tout. Et maintenant qu'on est nu, alors maintenant on va vous emmener. Il y a des femmes qui sont là dans la salle, elles ont un registre, il y en a une qui écrit quelque chose et l'autre qui vous prend votre bras et vous met un numéro sur le bras. Alors vous êtes tatoué, vous êtes enregistré, ça suffit pas. Ils nous ont emmenés dans une autre salle où vous avez des femmes qui sont là derrière un tabouret et à tour de rôle on va s'asseoir et on vous enlève les poils du sexe et on vous enlève les poils sous les bras et on vous enlève vos cheveux et tout ça devant des femmes que vous ne connaissez pas. C'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Allez, vas-y. Alors, on entend bien avec les appareils. Ginette, à quel moment avez-vous entendu parler des chambres à gaz ? Eh bien, c'est quand il y a eu la sélection ici. C'est ici, quand on est arrivé en avril 44, que la sélection se fait encore. Donc, la sélection est ici, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et puis, alors, et ben dans notre transport, nous étions 1500. C'était un très grand transport. En principe, on est 1200, 1000. Nous, 1500. 800 femmes et enfants et 700 hommes. Et sur les 800 femmes et enfants, on a appris, pas tout de suite, on l'a appris que quand on a été rapatriés, quand Karsfeld a fait l'inventaire de tous les convois, eh bien notre convoi, on dit convoi ou on dit transport, on est le convoi 71, les femmes et les enfants, 800. Tu sais combien de femmes sont rentrées ? 91. Sur 800 femmes et enfants, 91 sont rentrées seulement. Tout le temps, pendant 55 ans, papa, quand j'étais au camp, je ne savais pas du tout, je savais que je les avais envoyés à la chambre à gaz, mais c'était tout ce que je savais. Et c'est quand j'étais rapatriée que les gens parlaient et que j'ai appris que les chambres à gaz, les gens étaient asphyxiés dans les... Voilà, et c'est énorme. Mais pour moi, je te dis, c'était 2-3 minutes. Et c'est comme je suis retournée pour la première fois ici, que tu as une guide, peut-être que c'était même celle-ci là qui nous parlait, qui décrivait la chambre à gaz, parce que tu la verras, ils en ont reconstruit une, les vases sont jetés par le toit, et moi dans ma petite tête, c'était très très très rapide, et après je l'ai entendu dire que 20-25 minutes après, et ça paraît vraiment énorme, lutter contre la mort pendant 25 minutes, ça lui est affreux. Jamais je vais trop m'étendre là-dessus, parce que je m'imagine, surtout qu'après qu'on a entendu ce que ce monsieur qui était survivant a dit, comment qu'il découvrait les lieux. Peut-être, tu sais, que dans la foule, les enfants quittaient la main de leurs parents, ils étaient peut-être perdus. Oh là, il ne faut pas. Ça vous rentre toujours un peu aujourd'hui? Ah ben, naturellement. Ouais. Si tu t'imagines, si tu vois une image de ça, tu peux pas. Il vaut mieux l'éloigner, cette image. Chaque pas que tu fais dans Birkenau, t'as quelqu'un qui est tombé sous les coups. Peut-être pas mort, mais évanoui. C'était la bestialité, la brutalité. Personnifié. Il n'a pas de chance, les gamins, ils vont se faire mouiller. Nous non plus. Mais c'est peut-être bien qu'ils ressentent un peu le froid, la pluie, parce que c'est ça. Naturellement. Par ce temps-là, moi j'ai toujours été dehors, et quand par ce temps-là, on avait juste une petite robe ou une petite jupe, un petit pull vert. T'avais pas de bas, t'avais pas de chaussettes, et puis tu te recouchais habillé, avec tes affaires qui étaient sales, mouillées. le matin que tu devais être réveillé, que toutes tes affaires devaient être froides. On devait être sale, sale, sale, crasseux. Mais ça, je ne me rappelle pas. L'être humain supporte beaucoup plus de choses qu'on ne pense. Mais malgré tout, il y en a qui ne l'ont pas supporté. La preuve, c'est qu'on est des milliers à ne pas être venus. Et quand on l'a supporté, ce n'est pas parce qu'on est courageux, ce n'est pas parce qu'on a de la volonté, c'est parce qu'on a de la chance. Comment ? Est-ce que tu veux aller vers la baraque des latrines ? Mais oui, oui. Ah, et oui. Ensuite, de alors l'autre là, côté, oui. Vers la baraque des femmes, ça te va ? Là, je vais où que tu m'emmènes, okay. Mais c'est vrai. Ah, j'ouvre la porte. Alors. On n'y va pas aller trop. Alors ça, c'est un endroit où les femmes, ce n'était pas tout à fait comme ça. Il y avait juste un socle et il n'y avait pas, c'était peut-être, c'était, là vous voyez, il y a deux socles. Nous, c'était un socle qui traversait la salle. Et imaginez, vous avez des besoins parce que jusque-là, vous n'avez pas pu, et vous venez d'arriver. Et puis enfin, on vous parle de toilette. Alors vous êtes contente. Qu'est-ce que vous pensez quand vous êtes civilisée, les toilettes ? Eh bien, on va trouver un petit box fermé, et puis on va s'enfermer, puis on va... Eh bien, vous arrivez au pied de la baraque, et vous voyez ça. Mais ça, vous voyez, vous, c'est propre. Vous, vous voyez personne. Nous, il y a encore des gens qui sont là, assis, côte à côte, dos à dos. Et ce socle-là, je ne l'ai jamais vu. Tout le temps que j'étais à Birkenau, je n'ai jamais vu quelque chose de propre comme ça. C'était plein d'excréments, plein d'urine, par terre, pareil. On arrivait ici, on n'allait pas quand on en avait besoin. Quand on voulait vous y emmener, et quand on voulait nous y emmener, on se retient. Et quand vous arrivez près du moment de vous soulager, vous ne pouvez plus vous retenir. Et si vous avez la chance d'avoir un trou, vous allez commencer. Seulement celle qui est arrivée, et puis je vous ai dit qu'on n'était plus des gens humains. Eh bien, vous retire, et puis on prend votre place. Vous n'avez pas fini. L'autre, elle a déjà commencé. Et voilà des endroits qui sont dégoûtants. Et là, on ne voit rien, mais dans des baraques de femmes, vous aviez dans un petit coin, peut-être que... Là-bas, c'est peut-être ça. Dans un petit coin de cette baraque, vous aviez la responsable. Elle faisait sa popote. Elle, ça ne la gênait pas de voir des fesses sales et tout. Elle faisait sa popote là. Et pourquoi qu'elle faisait sa popote ? Parce que des personnes avaient un travail où elles pouvaient arriver à sortir quelque chose, à organiser quelque chose. Eh bien, ne serait-ce que lui donner un bout de chiffon, lui donner un bout de papier, lui donner une petite éplucheur de pommes de terre. Eh bien, du coup, elle fermait les yeux et au lieu de vous chasser parce que vous étiez là depuis 3 minutes, eh bien, elle fermait les yeux puis elle vous laissait un petit peu. Vous ne pouvez pas vous imaginer cet endroit autrement que comme ça. Eh bien non, il était dégoûtant. Et vous savez comment on surnommait cet endroit-là ? Radio Chiotte. Parce que c'était l'endroit où les gens étaient un petit peu assis et pouvaient parler. Sinon, on n'avait pas, on se parlait pas. Moi, je ne me rappelle pas, je ne me vois pas en train de parler pendant que je travaille. Puis là, tu regardes n'importe quel objet, tu disais, ça appartient à une personne, elle a été morte. Oh là là, c'est incroyable. C'est quoi ça ? C'est des cheveux, mec. Mais non, des vrais cheveux du... De... Ouais. Oh là là là là. Oh mon Dieu, c'est des cheveux, ça ? Oh mon Dieu. C'est vachement impressionnant. Bah oui, c'est un sac de cheveux. Tu veux te dire ? Non, mais c'est pas sérieux, c'est vraiment un sac de cheveux. Franchement, on l'a vu en cours, ma gueule. Franchement, on l'a vu en cours, t'es bizarre, toi. Ah, parce que les gens, ils avaient déjà des nattes, ils ont coupé ça comme ça. Ça se fait pas. Hein. aller les jeter en courant, revenir en courant pour les remplir. Alors, on nous explique ça, mais nous, on ne comprend pas l'allemand, mais on comprend ce qu'il faut faire. Et je suis avec une dame et on commence à avoir à faire ça. Mais quand on a rempli le trag, c'était trop lourd. Alors, on ne pouvait pas porter ça. Donc, petit à petit, on mettait des pierres un peu moins, jusqu'à ce qu'il n'y avait presque plus. Et peut-être qu'on était souriante, je ne sais pas. Quelqu'un nous surveillait de loin. Elle nous est tombée dessus et elle a commencé à disputer la personne. Mais comme on ne comprend pas le français, l'allemand, je veux dire. Et elle, c'était une petite jeune. Donc, cette dame était avec moi. Elle avait quand même dans les 35-40 ans. Et bien, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Eh, dis donc, un ton en dessous, tu sais, tu pourrais être ma fille. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de les regarder. On n'a que le droit de se laisser taper. Donc, on a appris sur le tas qu'il ne fallait pas faire ça parce que quand elle a commencé à lui donner une paire de gifles, c'était tellement fort qu'elle est tombée par terre. Et quand elle était par terre, moi, je n'en revenais pas. C'était la première fois que je voyais un être humain taper un autre être humain. Mais des furies, à coups de pieds, à coups de... Elles ont des schlags, celles qui nous commandent, à coups de bâton, à coups de... bottes dans les... Elle était par terre. C'était affreux. Après, comme ça, on a compris qu'il fallait vraiment se taire et tout accepter. Elle détaille ces histoires, on a l'impression d'y être. C'est vivant. Ben, parce que... Ça force. Elle est dynamique. Vous avez entièrement raison. Parce que tout ce que je raconte, j'ai les yeux fermés, je ne sais pas si vous voyez, parce que je revis tout ce que je raconte. Alors, approchez-vous. Lunette, on va... Est-ce que tu as le courage de dire ce que tu penses ? C'est un peu gênant, je reconnais, moi. Je ne sais pas si j'aurais le courage de dire ce que tu penses de ce que tu as vu jusque-là. De ce que j'ai vu jusque-là ? Bah, c'est émouvant. Bah, c'est émouvant, en fait. Enfin, de voir en vrai, c'est pas pareil que si on voit sur des photos. Donc forcément, on se rend mieux compte des choses. Donc forcément, il y a plus d'émotions qui montent. Bravo. C'est bien. Moi, j'aurais pas parlé comme vous, hein, à votre âge. Qu'est-ce que vous pensez, mademoiselle ? Je suis timide. Maman, je trouve ça... Quand je viens ici, déjà, les images, pour moi, c'était horrible. Et venir ici, ça fait plus de choses. C'est... Moi, je trouve ça horrible. Est-ce que c'est... vous vous attendiez à ça ? Bah non, je m'imaginais vraiment... Ce que j'ai vu, je m'imaginais parce que je me suis beaucoup renseignée sur le sujet avant de venir. J'ai regardé plein de choses, des reportages, des films dessus. Ah, du coup, Je me doutais. Bravo pour les professeurs qui vous ont comme élève. Madame Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles. Merci beaucoup. Deux choses. La première, c'est un peu de silence. Le silence, c'est ce qui nous permet de faire remonter les émotions qui nous viennent ce matin. C'est aussi celui qui permet d'écouter en creux ce qui s'est passé ici, les cris, les hurlements. On n'a pas senti les odeurs, Ginette. Non. Mais ça ne sera plus jamais comme c'était. Mais voilà, ce silence nous permet de vivre un certain nombre de choses. Et puis le silence, c'est aussi une manière d'honorer la mémoire de ceux qui sont morts ici, de ceux qui sont passés par Auschwitz, par Birkenau. J'ai parlé du silence, je voudrais dire un mot de la parole, parce que vous avez eu la parole de vos professeurs, tellement riche, celle de Ginette, tellement forte, vivante, vibrante, entraînante, et puis la vôtre, parce que nous sommes au fond dans un moment qui est un moment de transmission. Et vous devenez, vous, les acteurs de cette transmission, après ce que vous avez travaillé avec vos professeurs et après cette visite ici. Et donc je voudrais juste, en fait, lire un texte qui est celui de l'une d'entre vous. C'est celui d'Ornella. Est-ce que tu veux le lire toi-même ? Oui. Merci. Donc j'ai écrit un texte sur Ginette Kolinka. Dans le cadre des cours, on a fait différents exercices d'écriture sur les différents témoignages qu'on a entendus. Donc voici mon texte sur Ginette Kolinka. Je vais vous dire quelque chose. C'est la haine qui a provoqué tout cela. Demandez-vous avant de dire « je déteste » si cela est vraiment le cas. Méfiez-vous de la haine. Elle conduit tout droit à la mort. Nous n'avions rien fait. Comment pouvait-on nous reconnaître dans la rue ? On ne pouvait pas. J'étais loin d'imaginer ce que nous allions subir. C'est encore irréel. Elle ferme les yeux. Ses souvenirs refont surface. Elle revit ce qu'elle a enduré. Chaque fois, elle se redemande comment a-t-elle pu supporter cela. Elle nous raconte son histoire. Émouvant, touchant, sincère, authentique. Nous avons pu entendre un autre témoignage de l'enfer. Bientôt, il n'y aura plus personne pour transmettre. Il fallait donc que je vous dise tout. C'est à vous d'en faire de même. Vous êtes notre mémoire. Il faut que vous compreniez l'enfer que nous avons vécu. Nous n'étions plus nous-mêmes. Nous étions transformés en matricule. Nous étions déshumanisés. Je suppose que c'est écrit dans vos manuels d'histoire. Mais là, ce n'est pas pareil. Personne ne peut savoir à quel point tout était invivable. La puanteur des corps de nos compagnons qui pourrissaient était insoutenable. Malgré tout, je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas courageuse, juste chanceuse. La honte que l'on nous mettait était intentionnelle, recherchée. Je cherchais un peu de lumière dans l'obscurité. Il faut croire qu'il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel de Birkenau. Merci. Ah, bravo. J'aurais pas parlé aussi bien. Mais bravo. Tu permets ? Je te fais la bise. Bah écoutez, après des mots comme ça, moi j'ose plus parler. Hein. Est-ce que vous avez vu une tombe ? Est-ce que vous avez vu la trace d'un mort ? Non. À Birkenau, c'est un plus grand cimetière du monde. Il n'y a pas une seule trace de mort. Par contre, chaque pas que vous avez fait, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Je ne dis pas mort, mais tout au moins évanoui ou sous les coups. C'est le règne de la cruauté. Et cette demoiselle, c'est vrai, je me demande toujours comment ça se fait que je suis là, comment ça fait que j'ai supporté ça. Et alors, à partir de maintenant, vous savez que nous, les déportés, quand on est arrivés, on disait plus jamais ça. Et bien, pour que plus jamais ça devienne réalité, vous tous qui avez été là, il faut que vous parliez, il faut que vous racontiez aux autres. C'est peut-être comme ça que des choses pareilles n'arriveront plus. Merci à vous. Chère Ginette, cette cérémonie est à présent terminée. Avec vos accompagnateurs, vous allez maintenant pouvoir ressortir de Birkenau et regagner l'écart. Merci à vous. C'est terrible, tu vois, je vois devant moi des petites gamines qui ont... Et je suis en train de faire la sélection. Toi, tu serais pas rentrée. Toi, tu serais rentrée. Toi... Je sais plus fort que moi. Chaque fois que je vois des jeunes, je peux pas leur dire. Mais c'est plus fort que moi. Je fais ma sélection. C'était Ginette Kolinka, Auschwitz de Birkenau, la transmission. Merci à Dorota Konchinska, Ornella Neri, Julien Coutan, Alexandre Doulu, Charline Avenel, Mathias Orjek et Olivier Lalieu, avec la participation du Mémorial de la Shoah. Mixage Jean-Michel Bernot, stagiaire Maud Jussaume, attaché de production Daphné Abgraal, coordination Christine Bernard, un documentaire de Dominique Prusac et Guillaume Baldi. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Mais c'est une autre histoire.